On va parler avec notre ami Wallet, le meilleur chroniqueur de la NCAA football au Québec. Salut Wallet. Salut Dani, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, écoute, on va commencer d'abord avec une rumeur que j'ai entendue sur Blue Pennon. J'écoute un podcast français sur la NCAA, qui est très bon d'ailleurs, mais une heure et demie, c'est fatigant, c'est long, longtemps. Mais ils sont intéressants, les gars. Puis ils ont sorti une rumeur que Jack Del Rio, qui a été congédié par les Raiders, était également entraîneur des Jaguars, deviendrait, si peu, l'entraîneur de, ou encore le responsable du programme des Trojans de USC. Est-ce que tu y crois? Ben écoute, l'USC qui vient de perdre leur directeur athlétique, lui dit qu'il est intéressé avec la job d'instructeur-chef. Est-ce qu'il va être intéressé à peut-être prendre un rôle différent puis devenir en charge du programme athlétique? C'est possible. Il y avait aussi des rumeurs qui envoyaient Urban Meyer à USC, peut-être pas cette saison, l'an prochain. Est-ce qu'on va essayer d'avoir une espèce de combo Jack Del Rio, Urban Meyer, entraîneur-chef, puis directeur athlétique? C'est des rumeurs, mais regarde, on l'a vu là, on l'a vu avec les gros programmes, exemple Michigan, là, qui cherchaient un peu depuis 10-15 ans, puis ils sont allés chercher Coach Harbaugh. Ben, sont un peu plus importants au niveau national depuis qu'Harbaugh est là. C'est une équipe qui se classe dans le top 10, dans le top 15. Donc, est-ce qu'aller chercher un gros nom comme Jack Del Rio pourrait aider les Trojans de USC à redevenir un peu là, l'équipe mythique là, de la Californie? Puisque on sera pas de cachette, c'est sur le recrutement, puis sur le développement des joueurs, puis comment qu'on gère une équipe, parce que on sait pas de cachette, là, cette équipe-là, depuis 10 à 15 ans, depuis les belles années là, de Reggie Butch, puis de Matt Leinart, il se passe pas grand-chose d'intéressant. Là. On voit des bons joueurs sortir du programme, mais ils sont pas vraiment importants au niveau national. C'est pas une équipe qui se classe parmi le top 10 ou le top 15 à chaque année. De mémoire, ça fait quoi? C'est la sixième année cette saison là, qu'on a des éliminatoires. Ouais. C'est même pas une équipe qu'on a parlé dans les cinq premières années. C'est aussi fort qu'Alabama. Là. C'est dingue. C'est Alabama, c'est Ohio State, c'est Florida State. Puis je pense que c'est une chose, je suis vraiment content que tu m'en parles ce matin, Danny, parce que c'est une chose qu'on parle pas souvent. On parle souvent à quel point que la Pac-12, c'est une conférence qui est un peu mal aimée, mais en bout de ligne, quand ton meilleur programme, c'est pas une bonne équipe, ça n'aide vraiment pas la visibilité de ton programme. Tu sais, c'est bien beau, Oregon, avec leurs 700 différents uniformes, mais en bout de ligne, quand USC sont pas performants, puis que UCLA sont aussi terribles qu'ils sont en ce moment. Stanford, qui est une université quand même, c'est sûr que USC, ça joue à Los Angeles, Stanford joue à banlieue de San Francisco. C'est quand même intéressant, mais je veux dire, c'est vrai que les équipes de la Californie avaient cette exactement. Tu sais, t'avais Stanford, continue. Puis en ce moment, c'est ça, t'as Washington puis Oregon qui sont les deux grosses équipes. Puis regarde, j'ai rien contre ça, c'est deux équipes qui sont super le fun à regarder. Puis Washington, avec Chris Peterson comme instructeur-chef, là, qui a vraiment changé la dynamique de ce programme-là. C'est le fun, mais imagine si en plus de ça, tu rajoutes un Stanford qui redevient dominant, puis un USC qui n'a pas été dominant depuis 10 ou 15 ans. Mais là, les gens vont parler de la Pac-12 comme une des grosses conférences dans le college football. Et je pense que le recrutement de Jack Del Rio, si tu te fais appeler par Jack Del Rio, ça serait intéressant. Je veux dire, c'est plus intéressant qu'un has-been. Qu'un no-name. Donc, on va surveiller ça de près. USC qui... Il me semble qu'ils sont 24-25e, quelque chose de même. J'essaie de sortir le top 10, mais ouais, effectivement, là, c'est une équipe qui. Regarde, en début de saison, on disait, ça va-tu être leur saison? Puis là, il y a leur nouveau corps arrière, là, que j'oublie déjà son nom. Il y a des possibilités, mais regarde, il va falloir que ça s'améliore un peu. Là. OK, on va y aller avec la blessure. Je ne les vois même pas dans le top 25 en ce moment. Ou c'est l'autre semaine que je les ai vus, peut-être quelque chose. Ouais. On va y aller avec l'autre nouvelle que je vais te parler. Je vais te parler du quart de Florida. Ça tombe comme des mouches autant dans la NFL que dans la NCAA. Et c'est Florida qui était 8-9e, qui ont perdu le carrière la semaine passée pour le restant de la saison. Est-ce que le jeune Frank est capable de faire la même chose? Ça, Philippe Frank, c'est le corps arrière blessé, okay. Puis Kyle Trask, c'est son remplaçant. Ben, regarde, Danny, à son premier match là, qu'il a joué, il lance pour 166 verges, un touché. C'est pas des statistiques exceptionnelles, mais en bout de ligne, tu fais pas beaucoup d'erreurs. Il y a un Ben, c'est ça pourcentage qu'on demande à un jeune corps. Exact. Est-ce que Florida va être aussi dominant qu'on s'en attendait? Ça, c'est une bonne question, là. Je pense qu'on va le voir dans les prochaines semaines, là. Cette semaine, il affronte Tennessee. Ça devrait être un match relativement facile. Mais encore là, Tennessee ont montré des belles choses la semaine dernière dans leur défaite. Ça va être vraiment intéressant les 2 premières semaines d'octobre quand que Florida vont affronter à la maison Auburn, puis par la suite sur la route LSU. Ça va vraiment déterminer le reste de la saison pour les Gators. Moi, j'avais des doutes avec les Gators au début de la Floride. On dirait que c'est une équipe qui arrive un peu au-dessous des attentes année après année. Puis avec la blessure de Felipe Franks, qui était leur corps arrière partant, je pense que les chances de les voir de les voir terminer haut dans le classement sont assez faibles. OK, on va y aller maintenant avec les matchs de la semaine dans la NCAA. Écoute, autant la semaine passée, c'était bien ordinaire, autant cette semaine, il y a de très très bons matchs. Et le gros match, on va être d'accord, c'est 20h sur CBS demain, Notre Dame contre Georgia. Georgia, écoute, c'est un 8e Notre Dame, 3e Georgia. Je lisais et j'écoutais les gens qui disaient que deux de Georgia, si on veut espérer participer aux éliminatoires, ce serait pas dramatique de perdre demain, mais il faut pas en perdre plus que deux. Étant donné que tu es dans la SEC, tu peux perdre deux défaites et rester en série. Ouais, ben c'est sûr que l'avantage que Georgia ont, c'est que même avec une défaite contre Notre-Dame, ça l'affecte pas leur classement au niveau de la SEC. Donc, ils peuvent quand même terminer premier puis dans la conférence de l'Est Et puis aller jouer affronter Alabama pour. pour le championnat de la SEC. Ouais. Donc, oui, c'est possible. Mais moi, honnêtement, on dirait que je suis pas vraiment inquiet. De la manière que Georgia joue depuis le début de la saison avec leur attaque au sol qui est incroyable, spécialement avec DeAndre Swift, leur porteur de ballon de 3e année. À l'opposé, tu as Notre-Dame qui, en 2 matchs cette saison, ils ont très bien fait, spécialement au niveau offensif avec Ian Book comme corps arrière, puis Ian Book qui est capable de Ouais. courir avec le ballon. Moi, le gros test dans ce match-là, ça va être vraiment la défensive au sol de Notre-Dame. C'est vraiment ça qu'on entend parler depuis le début de la saison. C'est leur défensive au sol qui a de la difficulté. Puis tu te retrouves contre une équipe comme Georgia qui, oui, ont des DeAndre Swift, mais ils ont aussi comme 3 ou 4 autres joueurs qui sont capables de faire le boulot. Puis que, en l'espace de quelques jeux, tu peux voir 3 différents porteurs de ballon qui, eux, sont capables de faire des courses de 10 verges en moyenne par course. Donc, moi, je pense que Georgia, à la maison, devrait être en mesure de remporter ça. En ce moment, ils sont favoris par 14,5 points. Puis moi, je ne serais pas surpris qu'ils gagnent par plus que ça. OK. C'est un Écoute, duel. le fait qu'ils sont indépendants, ça aide un petit peu au classement, ou ça biaise un peu le classement de notre établissement. C'est comme moi? Moi, je pense que je pense pas que ça les aide. C'est un couteau à double Ouais. tranchant, Danny, parce que ils ont l'avantage de pouvoir avoir l'horaire qu'ils veulent. Donc, année après année, ils affrontent tout le temps des grosses équipes, des matchs qui sont joués à heure de grosse écoute. Donc, les gens voient Notre-Dame. Puis une saison comme l'an dernier, où est-ce qu'ils sont parfaits, c'est facile de jouer une place en série. Cette saison, s'il fallait qu'ils perdent contre Georgia, puis que par la suite, une défaite banale ici contre une équipe qui ne devrait pas perdre, mais là, tu te retrouves à 2 défaites, puis c'est vraiment dur. Puis c'est là que, en fin de saison, ça fait mal, parce que Notre-Dame, ils n'auront pas la chance d'avoir un match supplémentaire en allant jouer un match de finale de conférence comme Georgia devrait faire, comme Oregon devrait faire, comme LSU ou Alabama devrait faire. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, ça ne les avantage pas vraiment. OK. L'autre match, Michigan contre Wisconsin, c'est le gros match également. Ah, effectivement. Puis qu'est-ce que À j'aime en fin de midi semaine, demain, c'est ce que serait les sur Fox. Fox, ouais. Puis qu'est-ce que j'aime de la fin de semaine, c'est que les plus gros matchs sont séparés en 3 plages horaires, là. T'as un match à 15h entre Auburn puis Texas A&M, mais si on commence la journée forte demain, Michigan qui se transporte à Wisconsin pour affronter les Badgers, Toujours une rivalité ça entre les va être deux. du Ben écoute, toutes les équipes de la Big Ten ils ont une certaine Ouais. rivalité. C'est sûr qu'on ne parle pas de la même rivalité que Ohio State ou Michigan State, mais en ce moment, les deux équipes qui sont dans le top 15, Wisconsin, qui en moyenne marque 55 points par match à l'opposé en accorde zéro. Ils ont accordé zéro point en deux matchs. Puis tu as Michigan que, regarde, le match n'a pas été facile contre Army il y a 2 semaines. Mais l'offensive, on dirait, fait un peu du surplace. On n'arrive pas à trouver de cadence durant leur match, puis on marque pas beaucoup de points. Donc, un match sur la route qui pourrait être difficile pour Michigan, mais comme que je parlais avec des amis cette semaine, est-ce que c'est le genre de match pivot dans leur saison que s'ils sont capables de sortir fort, avoir une grosse victoire sur la route contre une équipe du top 15, est-ce que c'est ça qui va lancer un peu la saison de Michigan? Mais je pense qu'on va le voir demain à midi. Moi, j'ai vraiment hâte pour ce match-là. Moi, personnellement, c'est le match que j'ai le plus hâte de voir. Je pense que ça va être un match serré. Ça va être un match du vrai, comme on dit, du vrai power football là, avec des grosses courses au sol. On a deux bons porteurs de ballon de chaque côté. Naturellement, Jonathan Taylor du côté de Wisconsin. Puis du côté de Michigan, on a Zach Charbonnet. Donc, ça devrait être vraiment intéressant là, à ce niveau-là, les défensives qui sont très bonnes de chaque côté OK. aussi. Et l'autre match, tu l'as mentionné, Auburn, c'est contre Texas A&M, c'est sur ABC. Et je pense CBS, CBS. OK, je pensais que c'est sur CBS à compter de 15h30 demain. Oui, ça va être le premier. J'en parlais là, après la première semaine. J'ai été extrêmement impressionné là, par la force de caractère de Bo Nix, le corps arrière de Auburn. Oui. Mais là, c'est son premier vrai match sur la route. Puisqu'on se rappellera le match contre Oregon, c'était sur un terrain neutre au Texas que le match avait été joué. Là, tu te déplaces à College Station pour aller affronter Texas A&M qui, eux, sont réputés, là, c'est eux qui ont le nom du 12e joueur sur le terrain dans le college football, un peu comme Seattle à la NFL. C'est jamais facile de gagner sur la route contre Texas A&M. Puis, pour beaucoup de gens, ces deux équipes-là, c'est comme l'équipe 3 et 4 de la SEC West. Donc, l'équipe qui gagne ce match-là va se positionner pour être en mesure de rester dans la conversation pour les éliminatoires. L'équipe perdante, mais les chances sont encore là, mais c'est beaucoup plus mince. J'ai vraiment, vraiment hâte là, de voir comment que ce duel-là va jouer. On l'a vu il y a 2 semaines quand Texas A&M a affronté Clemson. Pas beaucoup d'offensives du côté de Clemson. Pourtant, tu as des joueurs talentueux comme Kellen Mond au poste de corps arrière. Puis sinon, un de ses receveurs de choix, c'est Jamon Hobson. Deux joueurs qui ont fait des belles choses l'an dernier. Moi, je m'attends à en voir beaucoup dans ce match-là, là, avec surtout deux fronts défensifs là, qui vont se battre là, pour essayer de rabattre les deux corps adverses. Ça va être OK. intéressant. Dernière question que je vais te poser. Jalen Hurst, carrière de Oklahoma, écoute, il s'en va vers un Heisman, ça continue même. Il est encore de bonheur, par contre, là. Je le regardais, 6 pieds 2, 207 livres. C'est pas un gros carrière. Par contre, la nouvelle tendance dans les Canadiennes, dans la NFL, il y a des cas qui sont en bas de 6 pieds. Le Baker Mayfield en est un cas. Russell Wilson. Donc, c'est possible de faire carrière et d'être dominant. Question, est-ce que c'est un carrière qui est fait plus pour la Ligue canadienne ou pour la NFL? Ben, je pense qu'en ce moment, c'est difficile de dire que c'est un gars qui est fait pour la Ligue canadienne juste parce Parce qu'il court en depuis maudit. qu'il joue au football, lui. Ouais, effectivement, il court en maudit, mais il est habitué aux 4 essais, puis il est habitué d'être dans un plus petit terrain. Est-ce qu'éventuellement, ça peut être une option pour Jalen Hurts? Moi, je pense je pense que n'importe quel joueur peut s'adapter au football canadien. On le voit, là, à chaque année, il y a des joueurs américains qui font leur marque dans le football canadien. Mais de la manière qu'il joue depuis le début de la saison, moi, je serais pas surpris qu'il y ait une équipe de la NFL qui lui donne sa chance. Puis, de la manière que Kyler Murray joue en deux matchs, qui est pas si pire que ça là, pour un gars qui joue dans une équipe assez terrible. Puis Baker Mayfield, qui a quand même une grosse saison l'an dernier, un début de saison un peu plus en dents de scie cette saison avec les Browns. Moi, je pense qu'il y a une équipe de la NFL qui va lui donner comme qu'on dit, les clés de la voiture, puis lui donner sa chance dans la NFL. Est-ce que ça va être un autre troisième, premier choix au repêchage comme Baker puis Kyler? À ce niveau-là, Non. je suis pas prêt à dire ça, mais je continue à dire que il va jouer dans la NFL l'an prochain. Il y a une équipe qui va lui donner sa chance. Puis Là, il y a après la ça, ben XFL l'avenir nous également, dira, là, là. qu'on va se garder une petite gêne après, mais ça reste une possibilité pareille aussi, là. Ouais. Éventuellement. Voilà, très intéressant, on s'en reparle. Oui, Danny, ouais. juste avant de finir, ce soir, Oui, il y a un gros match quand même à qu'on ne parle 21h sur Fox Sports One. On ne l'a pas ici, par exemple. Hein? Effectivement, s'il y en a qui regardent leur match sur Oui, on l'Internet l'a sur ou quoi que Internet ce soit, facile, là. Ouais, exact. Utah qui s'en va sur la route affronter USC, justement, qu'on parlait en début de chronique. Un gros match intéressant. Puis sinon, demain, juste vite, vite, là, avant qu'on Ouais. termine, si les deux matchs d'après-midi puis de soirée deviennent moins intéressants, moi, je garde les yeux sur Oklahoma State qui va affronter Texas. Oklahoma State qui sont invaincus depuis le début de la saison. Puis le deuxième match, c'est Colorado qui se déplace à Arizona State. Je pense que c'est deux matchs qui pourraient être des matchs alternatifs, là, s'il fallait que les gros duels de la semaine, là, nous laissent OK, tomber. on s'en parle cette semaine, Wallet, le vendredi prochain. Ouais, pas de problème. C'est la Excellent. chronique de la NCAA, Wallet.